solide dans la tête, dans la banane Gucci, Infinite Patek. Des fois quand je suis trop rapta, ils arrivent même pas à me faire le test. Je sais pas ce qu'ils t'ont mis dans la tête, n'oublie pas l'effort, le temps, le contexte. Tu m'as trop d'heure, là j'te next, t'avais une fixation sur mon ex. Là je suis calé dans la tête, dans la banane Gucci, Infinite Patek. Des fois quand je suis trop rapta, ils arrivent même pas à me faire le test. Je sais pas ce qu'ils t'ont mis dans la tête, n'oublie pas l'effort, le temps, le contexte. Tu m'as trop d'heure, là j'te next, t'avais une fixation sur mon ex. J'bois un coup, deux coups, trois coups. La crime nab, sous bien Karim Nabil. Y'a deux trois petites tasses, tu connais le DZ habile. La RS qui passe, l'ami vaut mieux être rapide. La rafale peut même te fumer lors ta rabib. A la belle avec un petit week-end en Ukraine. A la belle avec fiston, la concu nous craigne. Ils se réveillent, rêvant qu'on nous crève. Kéko dealer, non c'est pas ça qui nous freine. Va niquer ta mère, moi c'est l'Algérie, ma patrie. C'est comme ça la vie, Gennaro a fumé patrie. Je suis à Cuba, moi j'ai éteint mon téléphone. Tu vois, je calcule pas, tu sais bien qu'elle est folle de moi. Bébé, on brasse, on mange, on baise, on dort. On bosse, on rentre, on sape, on sort. Je reviens de Milano dans le 4 anneaux. Laisse te faire les boss, leurs bras sont pas très longs. J'bois un coup, deux coups, trois coups. J'suis en lambeau, j'mets des à-coups.